ciel s'ouvre et la pluie tombe. L'abîme relâche ses flots. L'arche se ferme sur ta parole. Et le monde devient sanglot. Les animaux entre deux à deux. La vie se cache dans le bois. Et les eaux montent sans retour. Sur les montagnes et les toits. Quand ta parole s'accomplit, rien ne peut la retenir. Quand les eaux montent jusqu'au ciel, tu restes le Dieu du salut. Quand tout ce qui était solide, c'est ta promesse, elle continue. Quand les eaux montent jusqu'au ciel, tu n'abandonnes pas ton projet. Et même dans l'engloutissement du monde, ton arche reste le reflet de ta paix. 40 jours, 40 nuits, la terre disparaît sous les flots. Le jugement passe comme un feu d'eau. Et le silence devient trop. Mais à l'intérieur de la